Yeah, sino. La vérité. Yeah. Ok. Parce que maintenant tout va changer, la vérité. Dieu plaisir parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand d'amour on lui bloqué des buts qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. Parce que maintenant tout a changé, la vérité fait que blesser. Parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand à un moment on est bloqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. Dino 7-5, ouais je raconte la vérité. Des grosses butées, des salopes, chaque jour ils font que parler. Elles rentrent tout dans le deal, elles se percent la chatte jusqu'au nombril. Parce que personne ne reste tranquille, les grosses biatches c'est pas chill. Dino 7-5, je compose depuis longtemps. Laisse les rageux où ils sont, pour eux j'ai pas le temps. Demande à qui tu veux, y'a que la vérité qui blesse. S'évader d'une cellule c'est comme un pitbull sans laisse. AK-47 dans la gueule des jaloux. Il paraît que tu rappes de moi, prouve-le-moi, je vois pas des ouf. Trop de personnes ont une langue de gain. Quand ils viennent devant moi, ils avadent la sauce algérienne. Parce que maintenant tout va changer, la vérité fait que blesser. Parce qu'on regarde leur lourd. Quand à un moment on est éduqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. Parce que maintenant tout a changé, la vérité ne fait que blesser. Parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand à un moment on est bloqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. Puis des fois je me dis de quoi sera fait demain. Et un moment je me dis qui viendra sur mon chemin. Tout au long de ma vie j'ai déjà connu des échecs. Si la maille tombe du ciel, c'est que t'as gagné aux échecs. Rien ne changera, le monde restera pareil. Même si tu bois du Red Bull, ça ne développera pas on ne dit j'ai rien fait parce qu'ils ont tous dit qu'on a fait la trahison. Ça se paye cher, ça se repêche avec repère. Puis maintenant il reste rien, l'avenir fait plus rêver. Demande au professeur si nique ta mère c'est con. Quand tout va s'arranger, tu seras libre de t'évader. Pour le moment rien n'est acquis, donc tu peux encore rêver. Parce que maintenant tout a changé, la vérité fait que blesser. Parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand à un moment on est bloqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. Parce que maintenant tout a changé, la vérité fait que blesser. Parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand à un moment on est bloqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Yeah, si, 75019. Que maintenant tout va changer la vie. Fait que blesser parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand on est bloqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité. Parce que maintenant tout a changé, la vérité fait que blesser parce qu'on regarde tous vers le haut. Quand à un moment on est bloqué des fils de pute qui parlent derrière moi, sachant qu'on est la vérité. La vérité.